La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. On le sait maintenant très clairement, depuis le XVIIIe siècle, les activités humaines ont perturbé le bilan énergétique de la Terre avec des conséquences telles que le réchauffement. Aujourd'hui, notre planète compte 40% de CO2 en plus, 2,5 fois le niveau de méthane dans l'atmosphère par rapport au niveau naturel les plus élevés enregistrés depuis 800 000 ans. Et selon la climatologue Valérie Masson-Delmotte, si une partie du réchauffement à venir est inéluctable, eh bien nous avons encore la possibilité de le contenir. Tels sont ses propos, ce qu'elle tient dans le hors-série du Figaro Science, qui paraît aujourd'hui en partenariat avec la Tête au Carré et qui s'intéresse au réchauffement de la Terre en 2050. C'est le dossier de l'émission aujourd'hui pour évoquer entre autres la façon dont les scientifiques travaillent sur la modélisation du climat et les impacts géopolitiques des changements en cours. On en parle dans un instant avec mes invités et bien sûr toutes les questions que vous souhaitez leur poser sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Et la crise du vivant qui touche également le monde végétal à la une de la science aujourd'hui. Oui, des chercheurs anglais tentent de faire le bilan des extinctions chez les plantes à graines depuis 1990. On entre dans le détail de leur étude dans un instant. Et c'est Frédéric Mélano qui réalise cette émission, préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Villard. Voilà, réchauffement de la Terre en 2050, c'est le dossier cet après-midi de l'émission en partenariat avec le Figaro qui consacre donc ce hors-série aux effets du changement climatique, aux scénarios des experts et heureusement aux solutions pour éviter le pire. Il y a quand même une note positive et pour en parler, je reçois cet après-midi Cyril Van Lerberg, le rédacteur en chef de ce hors-série du Figaro Science et les chercheurs Jean-Louis Dufresne et Bastien Alex. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Et bonjour. Bienvenue Cyril Van Lerberg. Comment est-ce qu'on réfléchit à un hors-série sur la question du réchauffement climatique sans donner à vos lecteurs l'impression que tout est déjà foutu? Alors c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Faut chercher, hein. Oui, en fait on est abreuvé dans un maelstrom d'informations les plus en plus terrifiantes sur le climat et le réchauffement. Et en fait on manque parfois de recul. Alors moi, il y a deux choses qui me choquent depuis quelques mois dans ce dossier-là. Je trouve qu'il y a deux positions qui sont que je trouve extrêmes et qui m'inquiètent vraiment. C'est d'une part une nouvelle forme de climato-scepticisme qui prend la forme de Donald Trump, qui dit non, le réchauffement, vous croyez que ça existe? Non, il a dit il fait froid aujourd'hui. Mm-hmm. Et d'autre côté, avec un vrai cynisme, qui dit puis le réchauffement, c'est pas grave, on va pouvoir forer du pétrole en Alaska, ça va nous ouvrir plein d'opportunités. Et de l'autre côté, des positions aussi extrémistes, mais qui vont dans l'autre sens, qui disent la Terre est foutue. En 2050, on sera tous à courir dans les bois, en train de chercher la nourriture, gratter le sol pour manger des glands. C'est même pas la peine d'essayer de contenir le réchauffement. Donc voilà. Il y a quelque chose entre les deux quand même. Alors c'était l'option de sorcellerie quand même. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est cette idée-là pour ça qu'on finit tout le dossier, tout le hors-série sur un volet avec des solutions, mm-hmm. avec des articles qui sont assez positifs pour montrer que il y a un foisonnement technologique qui est en route et il y a aussi une prise de conscience qui fait que l'économie est en train de se transformer. Et une partie de l'économie qui est pas étrangère à tout ça, c'est la finance, mmh. qui est pas celle dont on pense tout de suite quand on parle climat, mais donc on a terminé là-dessus sur une interview sur la finance verte. Et on a voulu aussi prendre du recul et montrer réchauffement, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on, franchement, le sujet est quand même vraiment compliqué. Donc on a essayé de faire des pages très pédagogiques. Mais c'est avec, déjà fait, hein. Avec des courbes, voilà. C'est déjà fait puisque ça sort aujourd'hui en kiosque, en partenariat avec La Tête au Carré. Jean-Louis Dufresne, vous êtes scientifique et la modélisation, on le verra, c'est une science essentielle, hein, évidemment, pour se projeter dans l'avenir, prévoir les changements à court et moyen terme. On peut parler vraiment d'une science qui prend en compte toutes les complexités liées au climat? Alors oui, c'est l'objectif. La modélisation du climat, c'est une science qui essaye, même qui met ensemble le maximum de phénomènes qui sont pertinents pour simuler le climat. Donc c'est avant tout les phénomènes physiques, hein, l'évaporation de l'eau, le mouvement de l'air, etc., qui sont régis par des équations physiques bien connues, le fait que la Terre tourne par exemple, qu'il y a une force d'influence. Voilà. Puis après il y a la même chose côté atmosphère, et le fait qu'il y ait des nuages, du rayonnement, côté océan, le fait qu'il y ait des courants marins, qu'il y a la salinité et autres. Il y a aussi ce qui se passe sur les continents, la végétation, l'eau qui s'évapore, qui capte les plantes qui captent du carbone. Tout ça, c'est mis en équation. On écrit les programmes informatiques qui résolvent tout ça et on fait des modèles de simulation. On donne cette nourriture aux algorithmes qui sortent des modèles ensuite, hein, qui permettent de réfléchir aussi pour les scientifiques. Voilà, mais justement, on sort. C'est-à-dire qu'une bonne partie de notre étude, de notre travail aussi, c'est de comprendre ce que font ces modèles parce que, a priori, ils sont tellement complexes qu'il faut avoir non seulement confiance en le résultat. Et donc, une bonne partie, on travaille ça. Bastien Alex, les effets du réchauffement climatique se font sentir évidemment à l'échelle géopolitique. On en parle tous les jours et vous vous intéressez en particulier à une région du monde à ce sujet ? À toutes les régions, mais c'est vrai qu'on travaille à l'IRIS ces derniers temps davantage sur le Sahel, qui est un bon hotspot et un bon témoin de l'évolution du réchauffement climatique et de ses impacts. Mais pour répondre plus généralement à votre question, moi ce que je trouve intéressant comme évolution ces derniers temps, c'est vraiment cette compréhension de plus en plus fine que le changement climatique n'est pas un problème environnemental. On a bien compris que c'était un problème économique, énergétique, sanitaire, et donc c'est un problème politique. Évidemment, ça veut dire que chaque année, lors des COP, on doit se répartir le fardeau à travers des négociations. Alors, c'est pas le seul moyen de, heureusement d'ailleurs, de tacler le problème, mais en tout cas, il y a cette compréhension que ce n'est pas uniquement une question environnementale, c'est un problème politique qui appelle à des changements politiques et économiques forts. Et bon, ça, je pense que le numéro hors série le montre un petit peu, c'est l'essentiel. Allez, on en parlera évidemment avec vous dans un instant, et puis on s'intéressera en particulier à la question de l'Afrique, hein, aussi, qui est en train de subir de plein fouet les effets du changement. Et puis bien sûr, vous répondrez aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de La Tête au Carré. Et Alex, et Axel, pardon, dans la liste des bonnes nouvelles, les extinctions d'espèces dans le végétal aujourd'hui, donc à la une de la science. Mais on connaît tous un mammifère ou un oiseau éteint ou en voie d'extinction, mais si je vous demande par exemple ici de citer une plante disparue, là, c'est un peu plus difficile. C'est vrai, ouais. Et c'est parce que le déclin dans le monde végétal est moins étudié et moins facile à étudier. Aujourd'hui, une étude anglaise publiée la semaine dernière tente de faire le bilan de 30 ans de crise environnementale, mais chez les plantes à graines, et estime que 3 espèces disparaissent tous les ans en moyenne. Pour en parler, nous sommes avec vous, Marc-André Sellos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle, professeur à l'Université de Gdansk en Pologne et vice-président de la Société Botanique de France. Alors pourquoi on étudie moins les plantes par rapport aux animaux ? Est-ce qu'on les pensait à l'abri ou c'est vraiment que c'est si difficile que ça ? Mais c'est surtout qu'on n'y fait pas tellement attention, hein. Moi, quand je montre le tableau de Denis Rousseau de Lyon dans une jungle à mes étudiants, ils voient tout de suite les lions alors que ça doit représenter 2% du coût de la peinture puisque l'ensemble est une jungle, quoi. Et ils voient tout de suite les lions mais ils voient pas les plantes. On a l'habitude qu'elles fassent partie de notre décor et on s'y intéresse moins, du coup on les inventorie moins. Finalement, on a beaucoup plus de mal à documenter l'état actuel de la santé de la végétation. Alors ici, cette étude anglaise se concentre sur les plantes à graines, hein, c'est pas toutes les plantes, estime que le rythme d'extinction depuis 30 ans est de 3 par an. Comment est-ce qu'il faut traiter ce chiffre ? Parce que dit comme ça semble assez faible quand on pense à tous ces chiffres qu'on a sur les animaux ou sur d'autres espèces. Oui, alors il faut aussi le traiter en gardant à l'esprit que la disparition des espèces, ça c'est un processus continuel, hein, qui s'opère naturellement. La question c'est, est-ce que le taux actuel et les 600 espèces que l'on a pu décrire et qui ont disparu d'après cette étude, est-ce que c'est beaucoup ou pas ? Alors, ils ont estimé aussi quel était le taux d'extinction spontanée, quoi, les espèces qui venaient à disparaître à un moment ou à un autre pour la disparition de leur milieu ou à cause d'un pathogène. Et on est sur un rythme d'extinction qui est 500 fois celui du taux d'extinction de base qui se produirait sans les changements récents induits par l'homme, et ça rejoint le thème majeur de l'émission, notamment le changement climatique. Comment est-ce qu'on déclare une plante éteinte ? Parce que j'imagine que c'est plus compliqué que pour les animaux, si on a encore des graines ou des choses comme ça, c'est plus facile à replanter. Est-ce qu'on réfléchit différemment ? Oui, on réfléchit différemment, puis en plus, bon, c'est pas comme les animaux, il y a moins de gens qui les observent, du coup on n'est pas sûr du tout. Et dans leur étude, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait une liste d'espèces disparues, mais ils se sont aperçus qu'il y en avait une moitié de cette liste qui était en fait pas disparue, mais que par contre il y en avait plein d'autres qui n'étaient pas disparues. Et ils ont augmenté d'un facteur 4 le nombre total d'espèces disparues en faisant des inventaires et en compilant des inventaires, mais c'est pas une chose aisée effectivement. Et en plus, non seulement il y a les plantes dont on pense qu'elles sont disparues, mais en fait il en reste un pied quelque part, bon peut-être, mais il y a aussi toutes les espèces qui sont disparues alors qu'elles sont encore là. Alors ça peut paraître paradoxal, hein, mais vous savez que les plantes par exemple ont besoin de se féconder entre elles, et même si une plante produit du pollen et des ovules, elle a besoin d'une autre plante pour échanger avec le pollen, et il faut deux plantes pour y avoir des petits. Ben, quand il n'y en a plus qu'une, vous avez toujours la plante en apparence, mais l'espèce, elle est disparue. Et il y a donc ces disparitions latentes, là, qui ne sont pas toujours comprises comme telles. En tout cas, on est loin d'avoir un inventaire tout à fait exact, même maintenant, même avec cette étude, et bien qu'elle ait qu'elle ait avancé notre compréhension. Les auteurs avouent eux-mêmes que on est loin d'avoir le compte. Alors, si c'est compliqué de faire un inventaire, Marc-André Sellos, est-ce qu'il y a quand même des régions du monde qui sont plus concernées par la disparition de ces plantes ou pas? Oui, et c'est d'ailleurs pas forcément les zones du monde où il y a le plus de botanistes. Alors, c'est une mauvaise nouvelle, mais oui, effectivement, d'après ces travaux, c'est surtout sous les tropiques et en zone méditerranéenne que ça se passe. Ça corrèle plus ou moins avec les zones qui sont soumises à une très très forte variation des utilisations par l'homme en ce moment. On pense au défrichement de la forêt amazonienne par exemple. Donc il y a effectivement une surreprésentation des zones méditerranéennes et tropicales. Puis après dans la flore, c'est pas toujours les mêmes plantes qui disparaissent. Il semblerait que les arbres, plus que les autres plantes, souffrent. Il y a 40% d'arbres dans la flore, mais il y en a 80% dans les espèces disparues, dans les 600 espèces disparues, parce que leur temps de génération est plus lent. Et du coup, leur adaptation se fait moins vite que celle des plantes à cycle annuel ou à cycle bisannuel. Marc-André Sellos, est-ce que les causes de ces extinctions, on les connaît aussi bien que pour les animaux, est-ce que là, les chercheurs vont chercher des raisons pour ces 600 espèces? Oui, alors, c'est pas le cœur de l'article que l'on commente, parce qu'en fait, tout ça est bien connu depuis longtemps, et recoupe d'ailleurs les facteurs qui mettent en péril la diversité animale. Alors, il y a bien sûr les changements d'utilisation du milieu, quand on change de type d'agriculture, quand on change de type de gestion de la forêt, ou qu'on élimine une forêt, bon. Il y a également des milieux entiers qui disparaissent, les zones humides souffrent souvent beaucoup parce qu'elles sont réputées insalubres, il y a des moustiques, et puis on ne sait pas trop quoi en faire, donc on les draine. Donc il y a la disparition de certains milieux, et notamment l'extension des villes est un problème. Et puis il faut bien l'avouer, il y a le changement climatique. On sait que 63% des plantes ont vu leur aire de répartition décalée vers le nord, elles recherchent la fraîcheur pour le coup, et c'est des décalages qui, sur les 100 dernières années, sont de 35 à 240 kilomètres. C'est des changements d'air de distribution importants dans lesquels une espèce a des chances de périr parce qu'elle n'arrive pas à bouger assez vite pour suivre le milieu optimal pour elle. Alors là, on estime que 0,2% des plantes à graines ont disparu pour le moment, c'est ces 600 espèces. Pour les animaux, c'est 5%, enfin pour les oiseaux et pour les mammifères, c'est 5%. Est-ce qu'on peut considérer quand même, si on regarde le futur, que les plantes sont un peu mieux protégées que les animaux pour nous survivre? Alors moi, j'aimerais savoir la partie de ce chiffre qui est due à notre ignorance des faits et des espèces exactes. Parce qu'il faut savoir qu'on découvre encore 2000 nouvelles espèces de plantes chaque année. Et ça veut dire qu'il y en a qui disparaissent avant même qu'on voit qu'elles disparaissent puisqu'on les a pas vues. Donc, il y a déjà quelque chose qui fait que ce taux un peu plus faible est sans doute sous-estimé. Mais clairement, les rythmes d'extinction des plantes ne sont pas les mêmes que ceux des animaux. Et ça vient du fait qu'il y a une période de décroissance où l'espèce est encore là, donc vous ne pouvez pas dire qu'elle est disparue, mais en fait elle va très mal, sa diversité génétique est très très réduite parce qu'il n'y a plus beaucoup d'individus, elle ne peut plus s'adapter, en fait elle va mourir. Et donc cette espèce de taux de survivance pendant quelques temps de l'espèce biaise sans doute les chiffres. C'est juste plus lent quoi. C'est plus lent. Et puis l'autre différence avec les animaux, donc la première c'est cette espèce d'extinction lente, quoi, et qui fait qu'elle a l'air d'être encore là alors qu'elle est déjà virtuellement plus là. Mais la deuxième chose c'est que révèle cette étude qui est assez étonnante et qui montre qu'il faut vraiment étudier chaque groupe, c'est que alors que chez les animaux, il y a des groupes entiers qui sont menacés. C'est-à-dire que quand une espèce est menacée, les espèces proches dans l'évolution sont aussi menacées ou ont de grandes probabilités d'être menacées. Pensez aux batraciens, par exemple, qui sont tous un peu mal barrés, il faut le dire. Bon, eh bien, quand vous regardez la distribution des espèces éteintes ou menacées dans l'arbre évolutif des plantes, eh bien, c'est un peu n'importe où. C'est pas prédictif. Il n'y a pas des familles à risque, si j'ose dire. Oui. Et ça veut vraiment dire qu'il y a des spécificités aux extinctions végétales qui méritent d'être creusées et comprises parce qu'elles peuvent nous renseigner sur des aspects de la santé des écosystèmes. Merci beaucoup Marc-André Sellos pour cet éclairage. Et puis je rappelle que vous êtes également l'auteur d'un livre qui s'appelle « Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations » et qui est sorti chez Actes Sud. Merci à vous. Axel, à demain. Merci, à demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité des sciences, quand les historiens mouillent leur cotte de maille, quatre passionnés du XVIe siècle, un historien et trois athlètes vont entreprendre les 6 et 7 juillet prochains la traversée des Alpes en armure, 28 km de marche avec plus de 20 kg de métal et de cuir sur le dos pour revivre la célèbre traversée de François Ier en 1515 avant la bataille de Marignan. Au programme des mesures du rythme cardiaque, le suivi des blessures et des contraintes mécaniques, les quatre hommes s'entraînent et préparent leur matériel depuis 7 mois pour cette expérience nommée Marche Alpes. On respirait déjà du cannabis il y a 2500 ans en Asie centrale, dans les montagnes de Pamir. Une équipe de paléanthropologues allemandes vient d'y découvrir les traces de THC, la substance psychoactive du cannabis, dans un brûleur d'encens vieux de 2 millénaires. C'est la plus ancienne preuve de l'utilisation directe de cannabis pour ses composés psychoactifs. C'est donc peut-être dans ces montagnes d'Asie, sur la route de la soie, que l'usage et le commerce de cannabis récréatif a commencé. Ce risque, en tout cas, le paléobotaniste Robert Spengler, co-auteur de cette étude. Et puis pour terminer, une nouvelle espèce de chat sauvage validée en Corse. Depuis la nuit des temps, les bergers de l'île de Beauté racontent les histoires du chat renard aux enfants, un animal féroce s'attaquant aux brebis et aux chèvres la nuit. Eh bien, ces histoires tombées dans l'oreille d'un technicien de l'ONCFS ont débouché sur une traque qui dure depuis 2008. Beaucoup de poils ont été récoltés sur le terrain, nous apprenant que ce chat était génétiquement différent du chat sauvage européen. Et finalement, le 12 juin dernier, 12 individus ont été capturés, pucés et relâchés dans la forêt d'Asco. Une belle découverte corse et un nouveau félin dont la photo est à découvrir sur la page Facebook de La Tête au Carré. Allez, le réchauffement climatique et la Terre en 2050, c'est notre dossier dans un instant. Bon baiser de Russie, de vodka je t'écris, ces mots transis, ces mots d'ici. Ivanovna, je n'ai que toi. Bon baiser d'ici, et vous l'avez reconnu, c'était la voix d'Alain Chamfort. La Tête au Carré, Mathieu Vidard. polar, réchauffement de la Terre en 2050, dossier de l'émission cet après-midi en partenariat avec nos confrères du Figaro Science, qui publie donc ce hors-série aujourd'hui en kiosque. Et pour en parler et répondre à toutes vos questions, Cyril Van Lerberg, donc le rédacteur en chef sciences et médecine de ce hors-série. Jean-Louis Dufresne, vous êtes climatologue, directeur de recherche au laboratoire de météorologie dynamique et directeur adjoint de l'Institut Pierre-Simon Laplace et également responsable du centre de modélisation du climat de l'IPSL. Et puis enfin, Bastien Alex, vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques, responsable du programme Climat, Énergie et Sécurité et co-directeur de l'Observatoire Défense et Climat, avec les auditeurs qui le rejoignent déjà avec des questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Alors, il y avait quelques questions générales qu'on était en train d'aborder déjà en antenne, mais qui sont intéressantes. D'abord, Cyril Van Lerberg, c'est le choix de la couverture, parce que quel casse-tête hein, quand on doit aborder la question du réchauffement climatique, que de mettre une image qui incite quand même et qui donne envie au lecteur d'acheter votre hors-série. Hein. Oui, parce que si on est honnête, si on fait des photos des conséquences du réchauffement... Oui, c'est pas terrible. Ça, hein. Voilà, ça fait très peur et ouais. Les gens vont quitter les kiosques en courant, en tenant la tête. Alors, demain. Quelle est l'option que vous avez prise là, en l'occurrence? En fait, on a montré une vue qui est à la fois à moitié sous-marine et en surface, où on voit un corail en bord de rivage, avec une plage dans le fond. Avec une belle couleur bleue. Ouais. Et si on regarde attentivement, le corail, il n'est pas en super bonne santé. Donc, il est peut-être en train déjà de subir les effets du réchauffement et notamment de l'acidification des océans. Et puis, la plage, elle est toute petite et on sait que l'eau, on voit le niveau qui est là, qui est tout proche de la surface. Donc, elle est vulnérable face aux montées des océans. Donc, il y a deux niveaux de lecture, finalement. L'image qu'on voit comme ça immédiatement et la façon dont on peut l'interpréter. On a des jolies couleurs, mais la thématique est... peut être un peu anxiogène si on regarde attentivement. Alors Bastien Alex, vous disiez hors antenne, moi je critique presque cette couverture. Non, je dis en taquinant un peu que peut-être ça manque d'originalité, mais c'est vrai que le sujet des îles, il est souvent utilisé comme un peu cette vision imaginaire du paradis tropical qui disparaît sous les effets du changement climatique, alors que par exemple, bien souvent aussi, dans ces problématiques d'érosion, on va retrouver des erreurs d'aménagement du territoire, l'absence de protection des forêts de palétuviers qui vont faire un peu barrière aussi à l'érosion, donc c'est pas uniquement le changement climatique qui est responsable de l'élévation du niveau de la mer et de l'érosion. Donc c'est parfois un peu trompeur. Et sur la question anxiogène, c'est très intéressant. Je me demande toujours, est-ce qu'on a vraiment des chiffres? Est-ce que ce genre de hors-série se vend mieux ou moins bien avec telle ou telle couve qui serait un peu plus anxiogène? Je me pose la question parce que de toute façon, les gens qui achètent ça sont intéressés par le sujet. Je ne sais pas si leur achat est basé sur la couverture. Ça, ce n'est pas à moi de répondre. Est-ce que le rédacteur en chef du Figaro en sait quelque chose ou pas? J'en ai aucune idée. Je pense que j'aurai plus de réponses dans un mois. Quand vous aurez déjà les chiffres de vente. On fait une émission dans un mois. Jean-Louis Dufresne, alors ça, c'est pas du tout anecdotique. Cette question de comment on communique aussi même par l'image sur cette question du réchauffement climatique. Alors il y a Paul qui nous envoie ce premier message et qui nous demande est-ce qu'on doit dire dérèglement climatique ou réchauffement climatique, sachant qu'il y a même une troisième option, c'est changement climatique. Alors les scientifiques aujourd'hui, et ceux en particulier comme vous qui travaillez pour le GIEC, ils préfèrent quel terme alors? Ouais, alors c'est une question difficile. Alors j'allais dire le réchauffement climatique, c'est-à-dire c'est le plus simple, on part de là parce que c'est ce dont on est le plus sûr et c'est vraiment la cause après des changements climatiques. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à préférer historiquement réchauffement climatique parce que ce qui a vraiment changé, c'est essentiellement la concentration des gaz à effet de serre. Ça, on sait que ça fait augmenter la température de la Terre. Et après, effectivement, ce réchauffement climatique entraîne lui-même plein de changements climatiques. Alors, effectivement, du coup, ils sont différents par rapport à l'actuel, dont on parle de dérèglement, etc. Mais disons, la cause première, c'est le réchauffement climatique. Et les conséquences, après, c'est tous les changements ou dérèglements climatiques, selon ce qu'on... Bon, Bastien Alex, vous prenez quoi comme terme? Nous, c'est vrai qu'on utilise changement climatique au pluriel, mais c'est par exemple dans nos études que l'on réalise pour le ministère des Armées, c'est une demande qu'on utilise ce terme au pluriel, alors qu'auparavant la précédente étude utilisait le terme dérèglement climatique aussi sur une demande. Là, c'était, je le disais hors antenne, Laurent Fabius dans le contexte pré-COP qui avait poussé à l'utilisation de ce terme parce qu'il était justement pas neutre et qu'il indiquait un dérèglement, donc quelque chose de négatif. Et aujourd'hui, on préfère utiliser changement climatique qui est plus englobant, mais en même temps, certains disent oui, le changement climatique a aussi une part naturelle d'évolution du climat qui peut donc être confondue, donc ça peut prêter à confusion. En tout cas, aujourd'hui, moi, j'utilise changement climatique et plus réchauffement. Comme en anglais, d'ailleurs, climate change, qui est vraiment le terme employé. Puis alors, le terme de dérèglement, effectivement, Jean-Louis Dufresne, vous l'aimez pas du tout. C'est la notion de règlement qui est derrière. Qu'est-ce que c'est qu'un règlement climatique? On sait pas trop. Donc, disons, c'est un peu une difficulté. Mais je comprends bien l'idée. L'idée, effectivement, c'est de montrer quelque chose qui change de façon radicale. Oui, absolument. Cyril Van Lerberg. Alors, ce hors-série qui arrive aujourd'hui, est-ce que c'est aussi finalement une réponse à, encore une fois, cette montée, en tout cas, ce retour du climato-scepticisme en France? C'est une des questions que vous avez posées à Valérie Masson-Delmotte qui ouvre ce hors-série avec une grande interview. Oui, alors, et Valérie Masson-Delmotte, c'est quand même la représentante de la France au GIEC, donc elle est vice-présidente, c'est quand même quelqu'un qui fait vraiment autorité. Elle parle même de négationnisme, elle prend des mots très forts. En fait, pour dire que non, l'homme n'est pas responsable du réchauffement climatique, c'est une forme de négationnisme. Elle dit pas ça à la légère. Moi, je suis assez choqué, de voir que ça fait quand même le premier rapport du GIEC, il était tombé en 1990, je crois. Et on est, en 30 ans après, on a encore des personnes qui veulent nier cet effet de l'activité humaine sur sur le climat. Et donc, tout le début du dossier, là, du hors-série, il est consacré à ça, à expliquer que non, c'est pas une construction, c'est pas une invention, c'est une accumulation de faits. Et voilà. Et l'idée que le CO2, principal gaz à effet de serre, pouvait avoir une influence sur la température de la Terre, elle date du fin du 19e siècle. C'est un savant suédois, Svante Arrhenius, qui avait fait un calcul sur un coin de table en disant si on double la quantité de CO2, on arrivera à un réchauffement de l'atmosphère planétaire d'environ 5 degrés. Je pense qu'on n'est pas très de son ordre de grandeur, était pas si faux que ça. Donc on est sur une construction scientifique qui est lente, qui est hyper solide. On est capable aujourd'hui de dire dans l'atmosphère quelle particule, quelle molécule de CO2 a été émise par l'homme ou est issue de conditions naturelles. Donc on est vraiment sur un dossier qui, pour moi, qui est inattaquable. Enfin, qui est... Alors justement, on va écouter l'extrait d'un documentaire de National Geographic qui est sorti en 2007, donc plutôt assez récemment, qui s'appelait The Great Global Warming Swindle. Alors on peut le traduire par la grande arnaque du réchauffement climatique. Et on écoute ce qui se disait dans ce documentaire. Quand on me dit « je ne crois pas au réchauffement planétaire », je réponds « moi si, mais je ne crois pas que le CO2 produit par les hommes en soit la seule cause ». Si vous m'aviez posé la question il y a quelques années, je vous aurais dit « c'est le CO2 ». Pourquoi ? Parce que, comme tout le monde, j'écoutais ce que disaient les médias. Les nouvelles du réchauffement planétaire provoqué par l'homme dont les médias nous inondent semblent chaque jour plus extraordinairement apocalyptiques. Et malgré tout, un certain nombre d'éminents spécialistes du climat affirment aujourd'hui que cette théorie n'a tout simplement aucun sens. Il y a eu des périodes dans l'histoire de la Terre lors desquelles la quantité de CO2 était 3 fois plus élevée qu'aujourd'hui, 10 fois plus élevée même. Si le CO2 avait un effet aussi capital sur le climat, ça apparaîtrait sur la courbe des températures. Si on analyse le climat à l'échelle géologique, on n'accordera jamais au CO2 une influence aussi importante. Aucun changement climatique majeur de ce dernier millénaire peut s'expliquer par le CO2. On ne peut pas dire que le CO2 est à l'origine des variations climatiques, il ne l'a jamais été. J'ai souvent entendu dire qu'il y avait un consensus de milliers de scientifiques sur la question du réchauffement planétaire, selon lequel les hommes seraient en train de causer un changement catastrophique du système climatique. Eh bien moi, en tant que scientifique, je pense que c'est faux. Voilà, donc tous les scientifiques ne sont pas d'accord, évidemment, sur la question, sauf que là, on donne un écho important à ces négationnistes, hein, comme dirait Valérie Masson-Delmotte, Bastien Alex, qui remettent en cause donc l'impact anthropique et les émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Pourtant, aujourd'hui, une grande part quand même de la communauté scientifique sait que c'est bien ces raisons-là qui sont à l'origine du réchauffement. En tout cas, moi, je le crois parce que je suis incapable de le démontrer scientifiquement puisque ça n'est pas mon métier. Donc peut-être que Jean-Louis pourra répondre plus en détail à cette question. Mais oui, je crois que en tout cas, les preuves s'accumulent, le diagnostic se renforce chaque année. Et peut-être que ce qu'on touche du doigt là aussi, c'est parfois l'incapacité ou l'inefficacité de la stratégie de communication du GIEC sur la part d'incertitude. Qui est inévitable, hein, qui fait partie de la science, hein, qui est reconnu en partie, mais peut-être que j'avais lu des travaux d'un chercheur dont le nom m'échappe, mais qui expliquait justement que parfois le tort du GIEC c'était de s'adresser aux experts qui mettent, ou en tout cas aux scientifiques qui mettent en cause la thèse dominante du réchauffement climatique, et pas forcément au grand public. Et le grand public, du coup, doit être la cible du GIEC avant les experts. Peut-être. Jean-Louis Dufresne, c'est quoi la part d'incertitude alors sur le dossier climatique? Alors, les parts d'incertitude, en fait, c'est beaucoup plus sur les conséquences du réchauffement climatique et éventuellement sur l'amplitude à la deuxième décimale. Mais c'est pas sur le fait qu'il y a un réchauffement climatique et qu'il est dû aux activités humaines. Ça, c'est hors, maintenant, question scientifique. Alors, justement, le problème aussi qu'on parle de scientifique, est-ce qu'on parle de scientifique ou de scientifique du climat? Et ça, c'est une vraie difficulté. Oui. C'est-à-dire que c'est pas comme l'astrophysique ou autre, qui est une science, disons, reconnue. Quand on découvre le trou noir, on va pas demander à un médecin si c'est original. Alors que sur le climat, en fait, tout le monde s'exprime. Oui. Un statisticien, un médecin, etc. Donc là, c'est un rôle. Et il s'exprime en tant que scientifique. Et donc, il y a un problème. Donc, la question, c'est est-ce que c'est des scientifiques ou des scientifiques du climat ? Mmh. Et c'est, ça change quand même la donne. Mais c'est quoi un scientifique du climat ? Alors, parce qu'il y a plein de disciplines au sein même de cette science. Hein. Certes, mais il y a quand même, on se rappelle, alors la c'est un gros nom, c'est géophysique externe, donc les enveloppes fluides, etc. Donc il y a eu des disciplines associées à ça, et leur champ d'étude, hein, c'est d'étudier le climat. Il y a des gens qui étudient la météo, l'océanographie, etc. Donc oui, c'est à la fois c'est très multidisciplinaire, mais en termes de thématiques, c'est regroupé, disons. Il y a des instituts, nous l'Institut Pierre-Simon Laspiès, il travaille sur ces questions-là. Ouais, donc ce que vous nous dites, c'est adressez-vous aux bons scientifiques qui légitimes en tout cas pour en parler. Hein. C'est déjà la première démarche à faire. Voilà, quand on a une rage de dents, on va voir un dentiste. Alors là, c'est la grosse rage de dents de la planète, effectivement, dont vous vous occupez. On va revenir tout à l'heure sur votre travail, en particulier de modélisation. Un auditeur, Jean-Louis, nous dit ceci. Pourquoi, lorsqu'on parle du réchauffement, on ne parle pas de démographie ? Un levier semble-t-il important ? Est-ce que vous voulez répondre à cette question, Bastien, Alex ? Le problème de cette problématique de la démographie, c'est... Moi, je me rappelle toujours d'une de mes collègues qui participait au COP régulièrement, qui disait, il y a toujours ce type au début des COP qui se balade avec son grand seau de préservatifs à distribuer à tout le monde. Bon, oui, on peut tous mettre en place des politiques démographiques à la chinoise avec le résultat qu'on connaît. Ou alors on décide quoi de se séparer d'une partie de l'humanité. Enfin, je crois que c'est pas forcément sérieux de parler en ces termes de toute façon. Mais c'est un faux problème pour vous, la démographie ? Le problème, c'est l'empreinte carbone, le modèle de développement et la consommation des ressources et la gestion. Moi, je pars du principe que, effectivement, si on réfléchissait un petit peu à ça, il y aurait plein de choses à faire avant de penser, je sais pas, on va tous se vasectomier, on va faire de... Enfin, vous voyez, je vois pas comment on peut mettre en place des politiques démographiques à échelle planétaire. On n'arrive même pas à se répartir le fardeau des émissions. Vous imaginez si dans les COP on introduit la variable démographique, on se répartit chaque pays une coupure ou en tout cas une réduction du fardeau démographique. Je pense que c'est pas sérieux. Jean-Louis Dufresne, votre point de vue là-dessus ? Alors, la démographie est un facteur, c'est sûr. Hein, et justement, suivant les scénarios, c'est un driver important, comme on dit, de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Ceci dit, effectivement, l'autre question après, c'est en quoi ça relève effectivement d'une politique nationale ou internationale. Ça, c'est une question. Mais effectivement, c'est pris en compte dans les scénarios, dans les différents scénarios d'émissions qui sont parlés, dont on parle dans ce numéro spécial. Il y a effectivement la démographie, le RCP 8.5, c'est un où la démographie continue à croître plus que les autres. Et il faut entrer évidemment ce paramètre dans les modèles. C'est inévitable. Le temps que les bonnes décisions soient prises au niveau politique, une fois de plus. Allez, on se retrouve dans un instant. Les messages et les questions pour vous sur franceinter.fr. Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi. Les barricades, les voltigeurs et puis quoi. Cours, camarade, les épaves de pavés, les bousculades, les cocktails et puis après. Cours, camarade, le vieux monde sans la poussière. Dernière ruade, et on l'enterre à Nanterre. Cours, camarade, redis-nous ton beau discours sur ton estrade, le poing levé, le cœur lourd. Camarade, le vieux monde reprend son souffle. Quelques décades, et tu rentres dans ses pantoufles. Cours, camarade, tes affiches et tes slogans, comme tu les brades, vendre des brosses à dents. Cours, camarade, le vieux monde t'a rattrapé. Il est malade. tout prête à agoniser. Pour camarade, comme tu en crèves avec lui, t'as des bandades comme on en crève aujourd'hui. Et court camarade, c'était Alex Baupin. La tête au carré. Sur France Inter. Alors, c'est sur cette base d'un constat de la difficulté des écosystèmes, de la dégradation de la Terre. Il y a bien entendu des règlements climatiques au premier rang, mais il y a aussi la perte de biodiversité. Enfin, tout ce qui fait du mal à Gaïa, comme on pense Gaïa, en tant que Terre globale, en tant que système Terre, eh bien tout ça ne peut plus durer très longtemps. Et donc, j'estime en effet que l'effondrement global dont je parlais est proche. J'ai essayé de dire un peu le calendrier pour montrer que ça n'est pas demain, c'est demain matin. Voilà, l'ancien député Europe Écologie Les Verts, Yves Cochet, qui parlait donc en 2017 de l'effondrement, la fameuse collapsologie si à la mode en ce moment, Cyril Van Lerberghe, hein, parce que vous en parliez tout à l'heure, ça fait partie justement des choses qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Oui, ça fait partie d'un discours ambiant, et notamment d'une branche de l'écologie qui, je pense, qui est vraiment dépitée et déçue par le manque de progrès sur plein de sujets. Biodiversité, c'est vrai, c'est effrayant. Réchauffement, on pourrait penser que rien ne se fait et que la Terre continue de se réchauffer. Oui. Donc oui, il y a une tentation de se dire, ben voilà, à quoi ça sert d'agir, à quoi ça sert d'essayer de se mobiliser. Et puis moi, la petite lueur d'espoir, c'est quand je vois les jeunes qui se mobilisent justement. Je vois derrière Greta Thunberg, dont on pense qu'on veut, mais elle a réussi à mobiliser toute une génération qui nous rappelle, nous adultes, je parle en tant que père. Vous avez une responsabilité, il faut faire quelque chose. Et donc c'est aussi l'objet de ce hors-série, c'est de... Voilà, les solutions existent, bougeons-nous. Et ne sombrons pas justement dans un désespoir qui nous lancerait dans l'inaction. En fait. Voilà, le Figaro essaie de nous redonner le moral pour essayer d'affronter les prochaines décennies plus sereinement. Jean-Louis Dufresne, justement, est-ce que c'est pas un désaveu quand même pour les scientifiques, le fait qu'aujourd'hui, ce sont les plus jeunes qui font entendre une certaine voix, alors que vous prêchez quand même depuis très longtemps dans le désert, quand même, sur ces questions-là, hein ? Alors, je ne sais pas si c'est pour nous, les scientifiques. Nous, nous sommes, j'allais dire, que des scientifiques aussi. Faut pas oublier. On n'est pas dans l'arène politique. On y est un peu, des fois, malgré nous, j'allais dire. Notre premier travail, c'est pas ça. Donc, je crois que le problème, c'est la lenteur. Et effectivement, il y a le décalage, c'était mentionné tout à l'heure, entre le discours scientifique et la prudence de fait qu'il y a derrière. On est quand même, même si on est accusé, on est à tort de catastrophisme, on est en fait en général très prudent dans nos messages. Et justement après, il faut mettre tout ça en action pour le convertir en politique. Et ça, c'est un travail énorme. Alors, est-ce qu'on n'a pas fait notre travail ou pas ? Bon, je ne sais pas, le GIEC existe, etc. Vous avez probablement très bien fait votre travail, mais le problème, c'est de vous entendre... Oui, et nous entendons. Alors c'est vrai que c'est pas, oui, c'est un métier en soi, hein, la diffusion de l'information. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup de collègues qui ont fait des efforts de diffusion de l'information, etc. Je pense qu'une des difficultés vient aussi de ce que je disais tout à l'heure, de la confusion des messages scientifiques. Et à nouveau, on n'est pas reconnu comme science en tant que telle. Et souvent, ça pose problème. Moi, je vois dans les échanges que j'ai, notamment avec d'autres scientifiques, des anciens ingénieurs, etc., qui, parce qu'on parle, j'allais dire, en caricaturant de la pluie et du beau temps, on ne reconnaît pas ça comme une vraie difficulté. Alors que si on parle de quark ou de trou noir, ça donne un vrai prestige. Et ça, c'est un problème pour moi. Bastien, Alex. Oui, et je pense qu'une partie du problème vient du fait qu'on va reprocher aux scientifiques de ne pas faire suffisamment de politique, alors que dès qu'ils s'y aventurent, on va les critiquer en disant « mais attendez, vous franchissez la ligne rouge ». Donc c'est un peu dur de leur reprocher ça, et en même temps, le problème il vient aussi de là. Je pense que là, je vais peut-être lâcher une bombe, mais là-dessus... Alors attention, 14h41 sur France Inter, une bombe va être lâchée, laquelle disais, Claude Allègre n'avait pas totalement tort sur ce point quand il disait... Ah oui, ça commence mal, ouais. Ça commence mal, hein, que le GIEC n'est pas qu'une organisation scientifique. Quand lui, il allait plus loin, il disait « c'est pas une organisation scientifique, c'est une organisation politique ». Mais par exemple, on sait que le rapport 1.5 a été donc rédigé par des scientifiques. qui ont aggloméré la connaissance, mais les conclusions aux décideurs, qui sont donc la synthèse de ce rapport, sont soumises à un vote des pays. Et on sait que certains pays, notamment producteurs d'hydrocarbures, ont fait pression pour que certaines recommandations ou certaines conclusions n'apparaissent pas dans le rapport. Donc c'est cette partie-là du problème qu'il ne faut pas négliger. C'est pour ça que je disais en introduction, le climat, c'est un problème politique, on le voit, parce que ça touche plein de choses, le modèle énergétique, économique, etc. Et qu'on ne peut pas attendre des scientifiques qui résolvent tout ça, alors qu'il y a d'énormes rapports de force en jeu, notamment dans ces résumés aux décideurs que tout le monde lit, parce qu'assez peu de gens lit un rapport de 1500 pages, je le confesse moi-même. Et c'est pas ce qui est le plus simple. C'est pas ce qui est le plus simple. Mais bon, après, il y a un travail de transcription, de traduction, en tout cas pour le public. Cyril Van Lerberg. Oui, Valérie Masson-Delmotte, elle répond exactement à cette question dans son interview en début de hors-série. Oui. Là, elle raconte justement que quand la science est assez forte et qu'il n'y a pas de doute, la science s'impose, quelles que soient les opinions politiques qui sont autour de la table au moment de la rédaction de ces rapports. Donc en fait, pour elle, l'enjeu, le principal, c'est que les scientifiques arrivent avec une certitude et un niveau de preuve suffisant pour que leurs arguments sont incontournables, en fait. Alors justement, Jean-Louis Dufresne, lorsque l'objectif de réduction préconisé par le GIEC pour limiter le réchauffement est à 1,5 degré, c'est qu'on a quand même des arguments solides pour préconiser, en tout cas, cette limitation. Alors, si vous regardez bien, en fait, il n'est pas préconisé. Hein. C'est toujours pareil. C'est effectivement, ça fait partie. Mais ça, de ce point de vue-là, le GIEC, c'est des scientifiques qui travaillent au service des gouvernements. Hein. C'est vraiment ça. Donc, faut savoir quelle est la commande. Et la commande, c'était effectivement quelle est la différence en termes de ce qu'il faut faire et d'impact du climat entre 1,5 et 2 degrés. Donc, la réponse, elle était celle-là. Elle est dit 1,5 degré, ça fait ça. Et pour y parvenir, vous faire comme ça. Et 2 degrés, ça fait ça, etc. Après. Il n'y a travail pas de préconisation, c'est un état des lieux des connaissances, au fond. Le travail du GIEC s'arrête là, et après, et de ce point de vue-là, il y a vraiment une distinction entre le scientifique et le politique ou autre. Il y a une déclinaison, après, la déclinaison politique doit être faite par les politiques. Et il y a l'accord de Paris, par exemple, aussi, qui est la traduction concrète aussi, qui découle directement des travaux du GIEC. Voilà, c'est-à-dire que c'est là-dessus où, en fonction, effectivement, du contenu des rapports du GIEC, les politiques sont censés dire, il vaut mieux qu'on atteindre plutôt 2 degrés ou 1,5. En tout cas, il faut qu'on décroisse nos émissions. Cyril Van Lerberg. Oui, c'est vrai que s'il n'y a pas de préconisation du GIEC, quand on lit le rapport justement sur un réchauffement à 1,5 degré, on voit bien qu'il y a un intérêt à limiter le réchauffement à 1,5 et pas à 2 degrés. Ouais. Le changement d'échelle sur les catastrophes, sur les conséquences pour les environnements naturels et humains sont sans mesure. Donc là, pour le coup, le rapport du GIEC, il est sans ambiguïté. Il n'a pas besoin de faire de préconisation. Ouais. On sait ce qu'il faut choisir si on est assez malin, quoi. Alors justement, Jean-Louis Dufresne, quand on modélise le climat, ce qui est aussi une partie de votre travail, et qu'on met dans les paramètres donc 1,5 degré ou 2 degrés de réchauffement climatique, on a singulièrement des résultats très très différents. Alors oui, disons plus, en tous les cas, plus le climat de la Terre se réchauffe, plus on voit le climat se changer. Ça c'est extrêmement clair. Donc ce qui compte, c'est à la fois le changement du climat, mais aussi tous les impacts du changement climatique. Et ça, là-dessus, c'est le rapport 1.5 qui a fait tout un effort très fort par rapport aux autres rapports de décliner ça en termes de conséquences. Et une des choses aussi de ce rapport a fait et qui a été positif, c'est vraiment de se donner des cibles en termes de température et d'étudier ces cibles en tant que telles. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été fait avant. Et donc, effectivement, en se focalisant comme ça sur des accroissements de température, on peut se focaliser vraiment sur les différences qu'il y a entre les différentes cibles et de regarder vraiment les différences en termes de conséquences liées à tel ou tel réchauffement. Oui, donc ces modèles climatiques, puisqu'ils sont nombreux, différents en tout cas, et ces projections sur le moyen terme, c'est justement en fonction de ces différents paramètres qui peuvent être établis, c'est ça ? Alors non, c'est pas tout à fait comme ça. En fait, nous, ce qui se passe, c'est que nous, on décrit, on calcule, disons, le changement climatique en fonction des émissions de CO2. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait différents niveaux d'émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre et d'autres aérosols, etc. Et on regarde comment le climat s'en change. Et en fond, on change ces émissions et donc on change la cible de température. Mais disons, on n'impose pas a priori 1,5 degré. C'est plus une conséquence des émissions de gaz à effet de serre dans nos modèles. Jean-Jacques nous dit pourquoi faire des magazines à destination du public. C'est aux décideurs politiques, lobby qu'il faut distribuer ces hors-série, le commun des mortels. Le public sait ce qui nous attend et ça n'est pas le cas des responsable politique. Cyril Van Lerberg, vous avez une version spéciale décideur ou pas? Non, mais j'ai prévu d'en distribuer quelques-uns à des gens que je connais. Allez, on se retrouve dans un instant, suite de notre discussion autour du changement climatique. Mmh. stay, bum, bum, bum, that you bum, wanted bum, to bum, come bum, back to stay and soothe me. Your words they soothe me, baby, bum, bum, bum, and I heard bum, from bum, one of your guys. Chalala, c'était Alani à l'instant. La tête au carré. Voilà, nous parlons cet après-midi de ce hors-série du Figaro Science qui sort aujourd'hui dans les kiosques, réchauffement la Terre en 2050, avec les effets en France et dans le monde, évidemment, du changement, les scénarios des experts du GIEC et les solutions pour éviter le pire. Et hors antenne, son rédacteur en chef, Cyril Van Lerberg, nous disait « Greta Thunberg m'a mis un coup de pied aux fesses » et on aimerait bien en savoir plus, finalement. Qu'est-ce qui s'est c'est passé douloureux. Elle m'a réveillé un jour, mais c'est fou. Non, moi, ça fait 21 ans que je travaille sur le sujet du réchauffement climatique en tant que journaliste, donc juste en train de transmetteur d'informations sur le sujet. Donc c'est un sujet que j'ai l'impression de bien connaître et que je, malheureusement, parfois trop connaître, de trouver que ça progresse pas assez vite. Mm-hmm. Parce que on le disait tout à l'heure, le constat scientifique, il est fait depuis plusieurs décennies. Moi, je croyais que le constat politique avait été pris, alors la COP21, enfin en tout cas repris avec un engagement des pays, et puis on voit, que 2-3 ans plus tard, un Donald Trump arriver sur la scène internationale et dire mais tout ça, ça sert à rien, arrêtez de nous embêter, quoi. Et le problème, c'est vrai que il est profond, il touche à nos sociétés, à leur fonctionnement. Dès qu'on brûle quelque chose, on émet du CO2. Donc j'avais une forme de lassitude qui s'était installée dans ce sujet et qui me disait, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se battre pour... Et Greta vous a réveillé. Et Greta, elle m'a pas parlé directement, hein, j'ai pas eu de vision. Mais oui, cette petite jeune fille avec un message cette jeune suédoise, qui a fait la grève de l'école et qui a lancé tout un mouvement d'ailleurs, Bastien Alex, hein, c'est ça qui est assez impressionnant, surtout chez cette jeune génération, hein. Effectivement, elle mérite de réveiller un peu les consciences, même chez les gens qui sont très bien informés. Et je crois que c'est ce qu'on a besoin d'entendre. Et on le disait encore une fois en antenne, mais il y a des pays où ça a eu un impact significatif avec cette transmission du discours des enfants aux parents qui a pu orienter le vote écologiste. Alors sans dire que le vote écologiste en Belgique réglera tout, mais en tout cas, on peut plutôt s'en satisfaire que le déplorer. Jean-Louis Dufresne, quand on travaille comme vous dans le dur du sujet, en tant que climatologue, modélisateur sur les rapports du GIEC, une figure comme celle de Greta Thunberg, c'est important ou vous regardez ça ça d'un œil un petit peu distant. Sincèrement. Hein. Oui, alors moi je regarde ça de façon un peu distant, c'est vrai. Mais disons, par contre, pas tout ce qui est... Il y a eu un vrai changement d'ambiance. Alors je sais pas jusqu'où la personnalité de Catherine Bern est importante, mais pour nous, en tous les cas, on sent vraiment une différence d'ambiance, notamment effectivement chez les jeunes. Alors je crois qu'il y a eu un gros changement quand même après les accords de Paris. Alors même si effectivement ça fait un peu flop et on peut regretter qu'un certain nombre de décisions n'aient pas été prises après, il y a quand même voilà, une évolution, c'est-à-dire que maintenant, avant qu'on parlait de changement climatique, bon, on nous riait un peu au nez quand même. Maintenant, c'est quelque chose qui est acquis, disons. Alors après, c'est pas pour ça qu'on fait ce qu'il faut, mais disons, voilà, je crois qu'il y a vraiment un changement d'état d'esprit. Et peut-être vraiment plus, effectivement, chez les jeunes que chez les autres. Bastien Alex, sur la question africaine qui vous intéresse, et celle du Sahel en particulier, est-ce que vous êtes, comme Cyril Van Lerberg, comme il l'écrit, pessimiste mais confiant ? Oui, je partage assez ce diagnostic parce qu'effectivement, on a des raisons d'être pessimiste dans le sens où le Sahel, c'est, je le disais, c'est un hotspot, donc c'est une région qui est très exposée au changement du climat, aussi principalement parce que la population qui y vit déjà est en forte croissance et en plus dépend, elle, d'activités qui sont très grandement liées au climat, c'est-à-dire la pêche, l'agriculture et l'élevage. Donc effectivement, on a assez peu de scénarios très optimistes. On craint que la conjugaison de ces facteurs à la fois démographiques, à la fois absence de pouvoir public efficace, crée du trouble. Mais en même temps, je me dis toujours qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je voudrais juste développer un point ici qui me paraît important et qui est en tout cas un des moteurs, si je puis m'exprimer ainsi, de mon optimisme. C'est que je pense que les choses qu'on peut faire avant de totalement désespérer sont les suivantes. L'Union européenne avait une politique de limitation de la production laitière jusqu'en 2015 avec des quotas. Vous savez, elle a été abandonnée en 2015. Ça a conduit à une surproduction laitière. Ces surplus ont été exportés vers la Chine et notamment vers l'Afrique subsaharienne, notamment à travers le lait en poudre qui a un intérêt ici en Afrique subsaharienne. Et au final, on s'est rendu compte que ce lait en poudre produit au sein de l'Union européenne, qui n'a pas rendu les agriculteurs plus riches en Union européenne, hein, ça vous aura pas échappé, faisait concurrence au lait produit par des filières locales, notamment dans des pays comme le Sénégal. Filières qui étaient aidées par l'Union européenne à travers sa politique de développement. Donc, si vous voulez, on subventionne une politique qu'on contrecarre par un autre biais. Donc, si on arrête de faire ça déjà, c'est-à-dire d'exporter du lait, si on essaie de soutenir une production locale, on va économiser des émissions. Et ça, c'est simple, c'est cohérent, ça peut obtenir des résultats avant de parler de choses trop extravagantes et trop complexes. Là, on est sur du simple. C'est quelque chose qui, je pense, je l'espère, est à notre portée. Alors, sur la question du Sahel, parce que cette région d'Afrique est désignée par le GIEC comme justement l'une des zones les plus vulnérables au monde, aux impacts justement liés au changement climatique. Comment vous travaillez, vous, concrètement sur cette question ? Alors nous, on travaille essentiellement à partir de ce que produisent les climatologues, donc glaciologues, météorologues, etc., qui travaillent sur le climat, qui produisent des scénarios climatiques. Et nous, on essaie de déterminer dans quelle mesure cela va avoir un impact sur les systèmes humains, les sociétés, notamment en matière migratoire. Est-ce que si on trace des scénarios, on va dire, d'évolution de la pluviométrie, d'augmentation de la variabilité interannuelle, qu'est-ce que ça peut produire comme effet sur les dynamiques migratoires, pastorales, vous savez, l'importance du pastoralisme au Sahel, bien sûr, ouais. Comment ça peut se traduire en heurts, tensions, voire risques de conflictualité. Ouais. Et c'est déjà ça, on note des effets directs du changement climatique sur des conflits, par exemple. Alors, vous avez prononcé le mot direct, qui pose problème aujourd'hui. On est d'accord, il y a un consensus sur la corrélation, pas sur la causalité du changement climatique. Mais évidemment, si on part du principe qu'on a une descente des isolettes de pluviométrie vers le sud et qu'on a une augmentation de la variabilité interannuelle de la pluviométrie, avec des paramètres comme l'absence de pouvoir public en capacité de gérer ces questions et la croissance démographique, il est évident que ça crée des tensions sur la ressource disponible. Ça, c'est une évidence. Donc ça, on le voit aujourd'hui. En plus, vous avez bien conscience de ce qui se passe aujourd'hui dans la région de Mopti, des affrontements entre Dogon, entre Peul, qui causent malheureusement beaucoup de victimes. Je ne dis pas que le changement climatique est le premier responsable, mais c'est quelque chose qui va jouer le rôle d'aggravateur de tensions. On va écouter un sujet sur la Grande Muraille Verte au Sénégal, et vous la commenterez après. Il y a une question d'auditeur à ce sujet. Le nord du Sénégal, des décennies d'agriculture intensive, de surpâturage et le réchauffement climatique font que le désert progresse. Le problème est le même dans tout le Sahel, cette bande semi-aride située sous le Sahara qui s'étend du Sénégal à l'Érythrée. Pour lutter contre ce phénomène, le Sénégal a planté plus de 11 millions d'arbres depuis 10 ans pour créer ce qu'on appelle une grande muraille verte. Aujourd'hui, planter ces arbres que vous voyez dans cette zone-là, c'est pas facile parce qu'il pleut en moyenne 250 à 300 mm par an. Donc pour ces ans de pluviométrie, c'est pas facile aujourd'hui. À l'école locale, les enfants participent eux aussi à des projets écologiques. On a semé des maïs, des tomates, des piments. Pendant des années, l'école a fermé, mais le projet de grande muraille verte lui a permis de rouvrir ses portes. Les gens transhumés, ils allaient très loin pour chercher du pâturage. Avec la grande muraille verte, on mène des activités de sensibilisation. Et il y a aussi d'autres activités qui permettent d'inciter les gens à maintenir leurs enfants à l'école. D'après l'ONU, deux tiers des terres arables du continent pourraient disparaître d'ici 2025 en raison de l'avancée du désert. Voilà, France 24. En août dernier, une question d'Odile justement qui voulait savoir où en était ce projet de barrière verte plantée pour limiter l'avancée du Sahara. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, merci Alex. Eh bien, écoutez, moi, les recherches que j'ai pu faire et les personnes avec qui j'ai pu discuter, souvent, ne reviennent que sur le cas du Sénégal. Donc, j'ai l'impression que, ouais, à part les avancements qui sont notables, hein, au Sénégal, c'est vrai, il y a une agence qui fait son travail, il y a, je sais pas combien d'hectares qui ont été replantés. J'ai l'impression que ça n'avance pas du tout au même rythme, sachant que ça couvre quand même presque 8000 km, hein, de large, hein, de l'Afrique d'ouest en est. Donc, j'ai peur que ça patine, notamment dans des pays comme le Soudan, pour des raisons, ou au Mali, hein, pour des raisons sécuritaires évidentes. Donc ça ne peut être la seule porte de sortie. Et pourtant, ça pourrait faire partie des solutions. Bien sûr, ça en fait partie, indéniablement. Et elles sont évoquées dans ce hors-série, Le Figaro Science, Réchauffement, la Terre en 2050, qui sort donc aujourd'hui.